Dynamo. Évariste Dikobanyanga. Bienvenue sur, au journal Alphonse Kugimana sur la mise en onde. D'abord, les titres. Le gouvernement du Burundi compte évaluer quel pourcentage faut-il octroyer mensuellement aux retraités avant la mise en œuvre de sa mesure de leur accorder des indemnités de retraite équivalentes au dernier salaire. Le chef de l'État l'a dit dans le discours à la Nation du 1er mai, journée internationale du travail et des travailleurs. La représentation du parti prenant dans la province Cibitoke dénonce la violation de l'article 40 du code électoral. Stani Iranibutse, qui représente ce parti dans cette province, affirme qu'ils ont constaté qu'aucun membre du parti prenant ne figurera parmi les membres du bureau de vote. Il a dit ce dimanche dans une réunion des membres de ce parti en zone Rugajo. Et l'enveloppe de 100 millions de dollars qui était prévue pour la construction de la phase 2 du chemin de fer côté Tanzanie-Burundi a été orientée dans d'autres projets. Le ministre des Finances l'a dit vendredi dernier lors de l'analyse et adoption du budget général de l'État exercice 2025-2026 à l'Assemblée nationale. Bienvenue à cette édition. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le gouvernement du Burundi compte évaluer quel pourcentage faut-il octroyer mensuellement aux retraités avant la mise en œuvre de sa mesure de leur accorder des indemnités de retraite équivalentes au dernier salaire. Au cours du discours à la Nation du 1er mai, journée mondiale du travail, le président de la République a indiqué que le manque de moyens a tardé la mise en œuvre de ce programme. Évariste Ndayishimiye précise qu'il reste à déterminer quels fonds nécessaires pour subventionner les institutions en charge de la sécurité sociale pour que cette décision soit mise en œuvre étape par étape. Suivez plutôt Évariste Ndayishimiye, le président de la République. Le but était d'accompagner les retraités pour qu'ils aient une vie digne à la retraite. L'activité est à une étape satisfaisante, même si cela n'était pas chose facile. Ce qui reste est de chercher des fonds à subventionner les institutions de sécurité sociale. Puisque les moyens financiers font défaut, le travail sera effectué étape par étape. Actuellement, nous évaluons déjà le pourcentage qui devra être octroyé aux retraités en attendant que la mesure de leur octroyer le dernier salaire soit effectivement mise en œuvre. Nous le ferons étape par étape selon les fonds disponibles. Ces indemnités de retraite devront être rehaussées au fur et à mesure en fonction de la production. C'est pour cela que nous appelons ceux qui sont encore en activité de travailler arrache-pied en vue d'atteindre cet objectif dans les meilleurs délais. Dusaba abakiri ku kivi gukorana umwete n'ubwira kugira ngo iryo hangira turishikeko hakiri kare. Le chef de l'État a été traduit en français par Alain Désiré Boukeneza. À ce sujet, certains des habitants de la ville de Bujumbura, les retraités y compris, trouvent qu'il est inconcevable que la promesse du chef de l'État ne soit tenue. 4 ans après, ils demandent cependant que le gouvernement se penche rapidement sur cette question qui date de longtemps pour dégager une issue favorable. Cette décision, le président de la République l'avait pris quand il faisait sa campagne électorale en 2020. Mais vous voyez, nous sommes en 2025. Bientôt, il va terminer son mandat alors que la décision n'est pas encore. Alors, ce 1er mai 2025, il dit encore que c'est une question qui va être étudiée petit à petit. C'est déplorable. Le Burundi, c'est un pays, je dirais, qui n'est pas... Ce n'est pas un pays pauvre comme tel, mais c'est un pays qui est... En voie de développement, il y a des aides internationales peuvent venir et le gouvernement peut demander des aides à l'étranger pour que ces retraités puissent avoir une bonne vie. C'est une volonté qui manque, c'est la volonté. Le gouvernement peut envisager ce projet. Je suis un peu plus de temps, je suis un peu ntuze ko bari bitari bwigwe neza canke mugabo abagiye mu zabukuru bo bafise umwiheburu renze. J'avais bien accueilli cette mesure concernant les retraités, selon laquelle ils allaient toucher un salaire équivalent à exercer leurs fonctions. Mais nous ne savons pas où cela a été broqué. Nous demandons au chef de l'État de mettre en application cette loi, car parmi ces retraités se trouvent nos parents et nous-mêmes nous en approchons. Le gouvernement devrait nous accompagner afin que nous ayons le nécessaire pour survivre, car nous travaillons pour le pays. Je perçois un peu plus de 13 000 francs de ma pension dans 3 mois. Quand nous avons entendu qu'une augmentation était prévue, nous l'avons accueillie favorablement. En tant que retraité, nous soutenons le discours du président. Si vous nous apportez votre appui, ce serait vraiment bien. C'était là, certains habitants de la ville de Bujumbura. Le chef de l'État devrait catégoriser et donner les éclaircissements nécessaires sur les types de fonctionnaires qui vont être concernés par le paiement des salaires leur promis. Réaction de Marie Boukourou, présidente nationale des travailleurs de la santé, CNTS en sigle, après le discours du président lors de la célébration de la Journée internationale du travail et des travailleurs. La présidente de la CNTS trouve qu'il doit y avoir un texte d'application après analyse faite par les cadres de la présidence de la République. On l'écoute. La première promesse date d'au moins 3 ou 4 ans. Et la dernière promesse qui parle d'état d'abattement de la question a été annoncée dernièrement pendant la célébration de la fête 1er mai 2025 qui coïncide avec la Journée internationale du travail et des travailleurs. Et il a bien dit que cette fois-ci, que la question sera traitée progressivement. Nous l'avons bien entendu. Dans la sagesse burundaise, nous apprécions, nous remercions la promesse toujours tenue par notre président de la République. Et son Excellence, il a bien dit, mais l'approche qu'il a présentée nous semble nécessaire à être éclaircie pour qu'on sache qui va être servi, par quelle catégorie on va commencer, qui va suivre. Parce que depuis que la promesse a été faite, mais depuis 2020, et là, les retraités condamnés à partir. Vous savez aussi que il y en a qui sont partis en masse en 2023. Beaucoup de fonctionnaires sont partis et d'autres aussi qui sont sur le régime parapublic et dans le secteur privé et qui attendent toujours aussi son dernier salaire. Alors, je pense que en tant que personne adulte sage, nous pensons qu'il va poursuivre la mise à l'œuvre de cette promesse avec les services techniques et les institutions de sécurité sociale habilitées à préparer, à mettre en œuvre cette mesure dans leur mission. Donc, autrement dit, nous pensons qu'il y aura un texte d'application après avoir été analysé avec les cadres de ces institutions et les services techniques de l'institution présidentielle, nous aurons des clarifications. Sinon, la sagesse, c'est d'attendre en espérant que le plus tôt possible, parce que ça fait déjà bientôt 5 ans. Alors maintenant, comme avec ces 5 ans, qui va commencer par qui, comment, c'est ce qui va être écrit ici dans le texte d'espèce. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Placé à la page politique, le représentant du parti Prona dans la province de Cibitoke indique que l'article 40 du code électoral n'a pas été respecté dans cette province. Stani Iranibutse affirme qu'ils ont constaté qu'aucun membre du parti Prona ne figurera parmi les membres des bureaux de vote. Il a dit ce dimanche lors d'une réunion avec les membres de son parti dans la zone Rugajo. Dans cette province, ce responsable du parti Prona Cibitoke demande à la Commission électorale nationale indépendante CENI d'organiser les choses de manière équitable pour tous les partis en compétition. Suivez-le. « Les membres de bureau de vote ont été déjà identifiés, mais nous avons déjà signalé que l'article 40 du code électoral n'est pas respecté puisque nos membres du parti IPRONA et les membres d'autres partis politiques ne figurent pas parmi les 5 membres de chaque bureau de vote. Mais cela ne freine pas nos engagements. Nous allons mobiliser les mandataires pour le compte du parti IPRONA pour suivre de près toutes les activités électorales du début jusqu'à la fin. Nous interpellons les membres du parti IPRONA à participer massivement aux élections afin d'avoir le maximum de voix. Nous interpellons également la CENI d'être un bon arbitraire entre les partis politiques en compétition et de faire le dépouillement de voir selon les résultats obtenus dans chaque parti en compétition et de partager toutes les activités électorales, que ce soit la distribution des cartes d'électeurs ou autres avec les autres partis politiques. Byojamwo bose usanga nk'ibi twacemwe bya biro to vote ivyo gutanga makarata bakaza baramenya yuko ubumwe ico bisigura ari gusabikanya ivy'igihugu gifise. Stani Iranyibutse a été traduit en français par Clovis Niyonguru. Dans la même page, les militants du parti KZFDD sont appelés à bien se comporter pendant la période électorale. Les propos de Nahimane Gertrude, présidente du parti KZFDD, celle-ci demande à l'administration d'ouvrir l'espace politique à tous les partis politiques qui exercent leurs activités conformément à la loi. Elle a dit ce dimanche à Kayanza dans une réunion avec les chefs de comité du parti KZFDD. Le message que nous avons donné à nos militants, c'est de continuer à vivre en paix avec les différents partis politiques et de continuer à vaquer à leurs activités comme d'ordinaire et de maintenir la paix et la sécurité sur tout le territoire national. Nous avons demandé à nos mandataires d'aller aux différents bureaux de vote pour voir comment justement le scrutin se déroule, afin de bien noter tout ce qu'ils vont observer et de remettre par après aux partis politiques qui leur ont désigné afin de montrer réellement qu'ils ont observé le réel. Nous espérons que nos mandataires vont suivre tout le processus. À l'administration, nous leur demandons de prendre au même pied d'égalité les différents partis politiques afin de leur permettre de bien accéder aux places publiques. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'actualité continue sur Isanganiro. L'enveloppe de 100 millions de dollars qui était prévue pour la construction de la phase 2 du chemin de fer côté Tanzanie-Burundi a été orientée dans d'autres projets. Déclaration du ministre des Finances vendredi lors de l'analyse et adoption du budget général de l'État exercice 2025-2026. Certains élus du peuple sont également revenus sur l'impraticabilité de certaines routes nationales, dont la RN7. Le détail avec Mireille Kanyank. Les routes nationales numéro 7 Bujumbura Jenda et numéro 5 Bujumbura Nyamitanga ont retenu l'attention des députés Onesphore Nijimbere et Simon Bizimungu. Sur ce, Nestor Naonouye, ministre des Finances, explique que le gouvernement tient compte de l'état de ces axes pour leur réhabilitation. Lors de l'analyse et adoption de ce projet de loi du budget général de l'État, exercice 2025-2026, vendredi, le député Pamphile Malaika est revenu sur la phase 2 du chemin de fer reliant la Tanzanie à la République démocratique du Congo dans sa partie Tanzanie-Burundi, tronçon pour lequel une enveloppe de 100 millions de dollars américains a été prévue. En réaction, le ministre Naonouye déclare que cette enveloppe a été orientée vers d'autres projets. Il y a eu un conseil des ministres qui a statué qu'il faut attendre et faire d'autres négociations pour que ce montant soit orienté vers d'autres projets, parce que nous avons vu que cela a pris du temps et que même les conditionnalités étaient lourdes. Nous avions vu qu'il faut d'autres négociations et la réorientation du projet. Ce projet de loi sur le budget général de l'État au cours de l'exercice 2025-2026, adopté vendredi, prévoit un budget de plus de 350 milliards de francs burundais pour le ministère des Infrastructures et Logements Sociaux, soit 7% du budget total de l'État. Et dans ce budget, près de 300 milliards sont alloués aux infrastructures de transport. Merci à Mireille Kanyang pour tous ces détails. 114 hôtels, 16 restaurants et 3 salles de conférence vont être révisés sur les critères de classification. Annonce du directeur général du tourisme ce lundi lors de l'ouverture d'un atelier de formation à l'endroit de 10 assesseurs certifiés des hôtels et restaurants. Jacques Guilliman a leur demande d'être exemplaires dans la promotion de l'intégrité et de la confiance dans le traitement équitable de tous les acteurs et de prendre des décisions responsables et les communiquer de manière transparente, suivait le directeur général du tourisme au Burundi. Dans sa vision, Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060, le gouvernement vise une économie forte et compétitive à travers une croissance soutenue et une promotion des produits répondant aux normes de qualité internationale. La présente étape rentre de facto dans le contexte de mise en œuvre de la vision CIHO. Nous sommes à cet effet ravis de voir les formateurs visiteurs de la CAC venir nous appuyer pour réussir nos efforts de faire au Burundi une destination touristique assurée et de qualité. Nous leur demandons de ne ménager aucun effort pour améliorer la capacité de nos assesseurs. Quant aux assesseurs burundais, nous les exhortons de s'approprier méticuleusement du contenu de la présente formation pour appliquer avec rigueur. On prévoit classer à cet effet 114 hôtels, toutes catégories confondues, 16 restaurants et 3 salles de conférence. Nous remercions les propriétaires des hôtels qui ont devancé le programme de classement et adopté dans leurs établissements des normes ISO aux assesseurs qui bénéficient des présents cours de recyclage. Nous les recommandons d'user de l'éthique professionnelle qui va au-delà du simple respect des lois dans les classifications prochaines des hôtels, restaurants et autres services touristiques. Il vous faut absolument une réflexion approfondie sur les choix et les actions dans le processus d'édifier notre marque en matière de respect de normes de qualité. Soit exemplaire dans la promotion de l'intégrité et de la confiance dans le traitement équitable de tous les acteurs et prendre des décisions responsables et les communiquer d'une manière transparente dans un droit chemin d'engagement vers l'excellence. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kougimana pour sa parfaite collaboration technique. Bonne suite de nos programmes. Isanganiro.